âme storine, ferme tes jolis yeux, bercés par le vent, au large des cils bleus, d'étoile en étoile, on suivra le chemin jusqu'à la rosée du petit matin. Viens, on va faire un tour à travers la brume, là où les esprits dansent, au clair de lune et au soleil levant. Entre ciel et terre, on chantera tout bas la chanson de la mer. Je t'ai vu dans mon rêve, au pied du grand phare. C'était comme avant, avant le départ. Des châteaux de sable, des berceaux dans les arbres. Ne pleure pas, on se retrouvera. Viens, on va faire un tour à travers la brume, là où les esprits dansent, au clair de lune et au soleil levant. Entre ciel et terre, on chantera tout bas la chanson. La chanson.